jour de son fichier client, la Régie des Eaux a entrepris en collaboration avec Listebout un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des Eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebout l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Merci de rester branché sur les ondes de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici les titres. L'Église catholique du Burundi appelle ses fidèles au strict respect des mesures d'hygiène pour se prévenir contre le coronavirus. Vous aurez les détails dans ce journal avec l'archevêque de Bujumbura en province de Bubanza. On parle de plus de 3000 cas d'abandon scolaire. Les grossesses sont notre désiré et la pauvreté des ménages sont citées parmi les causes. Un comité de gestion des malentendus susceptibles de surgir entre les membres des partis politiques a été mis sur pied en province de Kayanza. Le gouverneur de cette province dit que la cohabitation est généralement bonne, mais que des dérapages ne manquent pas. Les détails, c'est dans ce journal mis en onde par Alphonse Kugimana en collaboration avec Bonimana Inosa. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Oh, bonjour. Ouvrons ce journal par la page santé. L'archevêque de la diocèse catholique de Bujumbura lance un appel vibrant aux fidèles de cette communauté au strict respect de toutes les mesures arrêtées par les pouvoirs publics et ceux de l'Église dans le but de lutter contre la pandémie de coronavirus qui sévit dans plusieurs pays du monde. Dans son message de ce dimanche à l'endroit des chrétiens, l'archevêque Gervais Banchimiyoussa a indiqué que ce message vient compléter d'autres messages déjà lancés dans cette optique. Il a également réagi par rapport à ceux qui demandent que l'Église soit fermée pour mieux faire face au COVID-19. On l'écoute dans cette tradition d'Armel Mutore. Muri rusangi naho byakurikijwe nasanze hamwe batabishimitse ko rwose. Même si certaines conditions d'hygiène ont été suivies, quelque part il y a eu réticence de la part des uns et des autres. Dans ce message, je voudrais donc sensibiliser tout le monde pour qu'ils puissent respecter et faire respecter toutes les mesures prises par les responsables en charge de la santé. C'est le même appel à l'endroit de nous les religieux pour que nous puissions changer de comportement. Cette pandémie est d'ordre technique. Tous ce sont les techniciens médicaux qui doivent arrêter des mesures irrelatives. Ce n'est pas à l'Église catholique de prendre des mesures avant le gouvernement. Où se situerait l'intérêt d'empêcher les gens d'aller à l'Église, communier avec les autres, alors qu'ils continuent à assister à des matchs, à aller au marché faire des courses, à se rendre à l'école, dans des meetings politiques? Ces gens auraient-ils entendu que Dieu aurait dit que ceux qui vont se rendre à l'église seront contaminés de COVID-19? Si fermeture il y a, elle ne devrait pas commencer par l'église. Et d'ailleurs, chez nous au sein de l'église catholique, dans des moments comme ceux-ci, il y a ceux qui doivent prendre des décisions au niveau mondial. L'archevêque de Bujumbura, Gervais Banchimiyoussa, traduit par Armel Mutore de Bujumbura. Rendons-nous à Makamba où plus de 70 Burundais sont en quarantaine depuis le soir du vendredi dans un centre de confinement à Prodap, la plage de pêche de Magara en zone commune Nyanza-Lac. C'est après avoir passé 4 jours dans les eaux du lac Tanganyika, côté port de Kabonga de la commune Nyanza-Lac, refusé d'accès au sol burundais du fait qu'ils étaient venus à bord de deux bateaux en provenance de la République démocratique du Congo, là où l'on parle déjà des cas de coronavirus. Bien que ce centre soit vaste, ayant également des latrines, la population riveraine déplore le manque d'eau dans ce centre et s'inquiète des conditions dans lesquelles ces Burundais vont vivre, étant donné qu'ils sont avisés qu'ils mettront sous la dent ce que les rapporteront leurs familles. Jérôme Hakizimana. Mis en quarantaine depuis le soir de ce vendredi du fait qu'ils étaient venus tous de la République démocratique du Congo, là où l'on parle des cas de coronavirus, ces Burundais s'élèvent à 76. C'est dans un centre qui avait été construit par la Prodab à la plage de pêche de Mugerama en commune Nyanza Lac. Bien que ce centre soit vaste, ayant également des latrines, ces personnes qui y sont confinées ne seront pas facilitées la tâche pendant les deux semaines qu'ils vont passer là, car déplore la population riveraine de ce centre, ce dernier n'a pas d'eau. Cette population signale que, même ce samedi, c'est la police de protection civile qui s'est occupée de la fourniture de l'eau par son véhicule sur ce centre. En ce qui concerne la nourriture, ces personnes burundaises sont avisées que les mettre sous la dent, celles leur apportées par leur famille. On observe toutefois, en dehors, des agents de police qui veillent sur leur sécurité et empêchent tout contact éventuel entre ces Burundais mis en quarantaine et la population environnante. Ils ont été mis en quarantaine après avoir passé 4 jours dans les eaux du lac Tanganyika, aux environs de 150 mètres du port de Kabonga, de la même commune Nyanza Lac, refusés au débarquement de 2 bateaux sur le sol burundais, à bord desquels ils étaient venus en provenance de la RDC, où l'on a déjà diagnostiqué les cas de coronavirus. Jérôme Akizimana depuis Nyanza Lac, Radio Isanganiro. Merci à Jérôme et Hakizimana. Dans ma campagne d'Andonou à Kayanza, où 42 personnes ont été mises en quarantaine dans la ville de Kayanza pour subir des tests de coronavirus et sont hébergées dans un hôtel qui compte seulement 16 chambres. Le propriétaire de l'hôtel fait savoir que 3 personnes ou plus partagent une même chambre. Toutefois, Chongela Célestin, médecin directeur provincial à Kayanza, indique que parmi ces 42 personnes qui passent un test de 2 fois par jour, personne n'a encore manifesté des symptômes de COVID-19. Cela étant, ce responsable à la province sanitaire de Kayanza, de même que le gouverneur de cette province, demande à la population de Kayanza de continuer à observer les mesures d'hygiène ainsi que d'autres mesures prises pour se prévenir contre ce de cette pandémie, Patrick, à partir de Kayanza. Cet hôtel qui compte 16 chambres héberge 52 personnes mises en quarantaine à Kayanza depuis lundi de cette semaine. C'est le Isingo et Nubusa, patron de l'hôtel, fait savoir que le nombre élevé de ces personnes a fait que plus de 3 personnes partagent une et même chambre. Il précise également que ce sont ces mêmes personnes qui paient les frais de location de chambres ainsi que la nourriture. Dans le but de prêter main forte à ces 42 personnes en quarantaine à Kayanza, c'est le Isingo et Nubusa indique qu'il a procédé à la réduction des prix de l'hébergement et a aussi facilité l'entrée de la nourriture qui provient de l'extérieur de cet hôtel. Son patron de l'hôtel Gushinza Kayanza dit aussi avoir accordé gratuitement la chambre et la nourriture à 2 jeunes garçons de la province de Lumonge qui ne disposaient pas des moyens nécessaires pour leur séjour de 14 jours dans cet hôtel. Dans l'optique d'éviter la propagation de cette maladie, une fois que parmi ces personnes il y aurait ceux qui seraient contaminés, une équipe de volontaires de la Croix-Rouge a été mise en place pour désinfecter le matériel utilisé pour approvisionner la nourriture à ses nécessités, indique Dr Chongela Céleste. Interrogé son responsable à la province sanitaire de Kayanza sur l'état de santé de ces personnes mises en quarantaine, il nous a fait savoir que parmi ces gens, nul n'a encore manifesté des signes du COVID-19. À cet effet, Dr Céleste Chongela, médecin directeur provincial à Kayanza, de même que le gouverneur de la même province, demande à la population de Kayanza d'observer scrupuleusement les mesures d'hygiène ainsi que d'autres mesures prises pour poursuivre le combat qui est la prévention contre le COVID-19. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiyumva. Page politique après une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Restons à Kayanza pour parler politique et la cohabitation entre membres des différents partis politiques à la veille des élections générales de la province, dans la province de Kayanza est globalement bonne. Le gouverneur de cette province, Anissé Ndaïdzeye, indique toutefois que les cas de dérapage ne manquent pas. Pour limiter de tels cas, cet administratif provincial dit qu'un comité de gestion a été mis sur pied pour gérer les problèmes qui peuvent surgir entre les partis politiques. Ce comité est constitué des représentants de l'administration, de la justice, des forces de sécurité et des partis politiques. Suivez Anissé Ndaïdzeye, gouverneur de la province Kayanza. pour essayer de résoudre les problèmes qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Au niveau de la province, nous aussi on fait une réunion avec les partis politiques une fois par mois. Et au niveau de la commune, on fait des réunions de l'administration avec les partis politiques au moins deux fois par mois. Et ces réunions sont des réunions très constructives. On essaie d'étudier les problèmes qui peuvent surgir entre les partis politiques et les solutions à y apporter. Nous avons ici dans notre province mis sur pied des comités de gestion de ces problèmes. Au niveau de la province, ce comité est composé de 7 personnes, dont le conseiller principal qui représente le gouverneur, le commissaire de province de police et le procureur de la République. Et avec le président du parti politique choisi par les PLRPR, on a choisi 4 partis politiques, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, le parti CNL, le parti Savonien pour le développement, le parti PRONA. Lorsqu'il y a des problèmes, ces gens-là, ce comité tient des réunions d'analyser à fond ce qui s'est passé pour voir s'il y a un autre problème. Et souvent, les litiges trouvent souvent solution dans ces comités. Mais vous savez qu'il y a des gens qui veulent toujours outrepasser la loi. Lorsque de telles manifestations se rencontrent, et là, c'est la loi, c'est le code pénal qui s'applique. Ici, je vous dirais que nous avons des cas de personnes emprisonnées, mais elles ne sont pas emprisonnées parce qu'elles sont membres de partis politiques. Elles sont emprisonnées parce qu'elles ont fait des délits qui nécessitent une punition. Donc, dans l'ensemble, je peux vous dire que dans la province de Kayanza, nous sommes préparés aux élections apaisées. Anissé Ndaïdzeye, il est gouverneur de la province Kayanza du Nord, Cap Sud-Ouest, où plus de 3000 enfants ont abandonné l'école au premier trimestre de cette année scolaire. De cette année scolaire en cours dans la province d'Obuwanza, selon les responsables scolaires, les principales causes sont notamment liées à la pauvreté dans les familles, les maladies et les grossesses non désirées chez les filles et autres. Les autorités scolaires lancent un appel aux parents et leur demandent plus de responsabilité dans le suivi du comportement de leurs enfants, étant donné que certains parents poussent quelquefois leurs enfants à l'abandon de l'école Spes Caritas Kabanyana. Au niveau de l'école fondamentale, 2758 enfants ont abandonné l'école dans les 5 communes de cette province de Bouanza au premier trimestre de cette année scolaire en cours 2019-2020, avec 725 abandons en commune Kihanga qui se classe première et 251 en commune Musigati qui est la dernière si on considère les effectifs d'abandon selon les données disponibles dans les rapports de la direction provinciale de l'enseignement. Au poste fondamental, c'est 227 abandons et au niveau de la maternelle, c'est 33 abandons selon le même rapport. Et au total, tous les enfants qui ont abandonné l'école au premier trimestre de cette année scolaire se comptent à 3018 élèves. Les principales causes de ces abandons scolaires sont notamment la pauvreté dans les familles avec plus de 2000 abandons, les maladies avec plus de 300, les grossesses précoces avec 40 abandons et autres. Les responsables scolaires de demande aux parents un suivi rigoureux de leurs enfants et certains parents poussent quelquefois leurs enfants à abandonner l'école pour aller chercher de l'emploi rémunéré selon les mêmes responsables scolaires. Même le président de l'Assemblée nationale, lors des cérémonies de la célébration de la Journée internationale de la femme à Bouanza ce samedi, a demandé aux femmes leaders de suivre de près le comportement des enfants, surtout des jeunes filles, et leur prodiguer des conseils. Pascal Nyavenda a déploré le fait qu'il a appris que parmi les causes d'abandon scolaire figurent aussi les grossesses précoces chez les jeunes filles. Spes Caritas Kabanyana, Bouanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana, Brève Sportive, pour clore ce journal. 372 ballons de football et 900 maillons. Tels sont les équipements sportifs que la Fédération burundaise de football FFB a octroyé au club masculin qui joue le championnat de la deuxième division et les formations féminines évoluant dans la première et la deuxième division. Le président de la Fédération de football au Burundi a refusé de donner ce don aux équipes de l'intérieur du pays du fait que beaucoup de communes ont élaboré des listes douteuses en écrivant les équipes qui n'existaient pas. Révélien Dikuriyo a indiqué que la campagne de la distribution des équipements sportifs va continuer dans les académies de football se trouvant dans toute l'étendue du territoire burundais. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous qui étiez à l'écoute. Merci à Alphonse Kubwimana et Bibonimana Innocent qui assurait la mise en onde. Charles Makoto, j'étais à la présentation. Je vous dis au revoir.